papy, je te remercie d'avoir accepté ma mère. Ces ennuis, toutes ces nombreuses galères, ces mépris. Toi, mamie, vous l'avez tellement aimé. Elle en a oublié pas mal de soucis. Vous l'avez recouvert de bonheur. Elle en a découvert l'existence de son grand cœur. Papy, j'ai parti la rejoindre. Je n'ai plus que mes yeux pour vous plaindre. Plus que mon courage pour atteindre mon but que je me suis fixé le 7 janvier. Il y a eu un imprévu en 2005 en février. Maintenant, j'ai venu te chercher. Sûrement pour t'indiquer le chemin du paradis. Depuis cette tragédie, beaucoup de mes nuits sont désertes. Toi, mamie, vous avez éclairé l'avenir de ma mère. Peut-être pas le même sang, mais le même je t'aime, grand-père. Papy, ton visage est suspendu dans mon temps. Aujourd'hui, ma tristesse m'oblige à écrire mes sentiments. Papy, j'ai mal quand je pense à certains souvenirs. Papy, tu as choisi le moment où tu devais partir. Je suis dans un cauchemar et j'ai du mal à en sortir. Si triste de se dire qu'un jour il faudra mourir. Je te voyais de plus en plus faible physiquement, mais toujours autant de force oralement. Tu es allé au plus loin de ton avenir. Ton départ m'a tellement fait souffrir. Maintenant que tu fais partie des étoiles, je la vois briller, mais j'ai toujours aussi mal. J'espère au moins que l'harmonie que j'écris te donnera un minimum de sourire. Tu te rappelles tous ces moments où je te taquinais, comme on dit qui aime bien me chercher bien. Résiste, c'est avec toi que je me marrais. Sais-tu que ton dernier sourire rentre mes soirées? Il y a tellement d'images que j'aimerais sacher. Je me souviens de ta mélodie sanguine, de ta voix quand tu criais discipline. Jamais je ne laisserai un monde nous séparer. Il t'a déjà assez éloigné de tant de personnes qui t'aimaient. Désolé si je n'ai pas fait face à ton corps si froid. Je manque de courage pour affronter les futurs anges, pour réaliser que dans des vies rien ne s'arrange. Papy, j'ai mal quand je repasse à certains souvenirs. Papy, tu as choisi le moment où tu devais partir. Je suis dans un cauchemar et j'ai mal à en sortir. Si triste de se dire qu'un jour il faudra mourir. Je te voyais de plus en plus faible physiquement, mais toujours autant de force moralement. Tu as lié au plus loin de ton avenir. Ton départ m'a tenu fait sourire. Les larmes de notre dernier au revoir ont été si nombreuses, j'en ai fait des cauchemars. Papy, je t'offre cette mélodie en guise de deuil. Mon amour pour toi est écrit sur cette feuille. Toutes ces journées passées sur ton fauteuil, glissé en te voyant, j'en avais mal à l'œil. Il y a bien quelque chose qui me rassure pour le moment, c'est de savoir que tu demeures à côté de maman.